Ce soir, il n'est pas venu les doigts dans le derrière. Alors, Gérard, deux, trois petits coups de gueule. Alors, vas-y. Donc, alors, Pigeot, si tu m'écoutes, je t'ai prié d'arrêter tes conneries, parce que là, je vais te dire une chose, maintenant, c'est trop tard pour toi, c'est clair et net, et demain, c'est entre les mains des flics. Ouais. Donc, tu vois, ce que tu mets sur Sandy, c'est pas la peine de t'amuser à ça, parce que elle m'a dit que c'était non. Donc, je te signale d'entrée, c'est pas la peine d'insister, parce que y a déjà des gens qui ont porté plainte pour moi. Donc, je te signale que moi, j'y vais aussi demain, puis je balance toutes tes saloperies aux flics. Ah là, vous allez très très loin, les enfants. Vous risquez d'avoir maintenant, très sérieusement, de gros problèmes. Il faudra assumer. C'est pas faute de vous l'avoir répété, quand même. Et puis, soi-disant, respectueusement, maître modeste Hicule, c'est pareil. Lui, je vais faire voir ça aux flics, hein, ça va être bien. Et les flics, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te voient arriver tous les jours avec ces papiers-là? Ils se marrent ou ils prennent ça au sérieux? Non, là, je crois que ce coup-là, ça va être pris au sérieux, parce que c'est ce papier-là que je te fais voir pour la deuxième fois. Oui. Ça, ce papier-là, c'était affiché dans toutes les entrées de mes immeubles. Oh là là là là. Alors, Pigeot, si tu veux participer au débat, je te signale, t'as pas intérêt de changer ta voix parce qu'on va te reconnaître. Donc, fais-moi confiance que tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Voilà. Et puis, il y a aussi Ruiz Costa, là, je sais pas quoi, là, pareil, hein, c'est pas parce que tu crois que ton nom va rester sur ma boîte aux lettres, faut pas rêver, tu viendras pas habiter chez moi maintenant. Ah, ça, bon, c'est pas possible? Ça, c'est impossible. Sûr. Donc, alors, je vous préviens, si ça continue, c'est clair et net, la semaine prochaine, il y aura rien. Ouais. Alors là, donc, mais là, maintenant, ouais, c'est terminé, je préviens d'entrer, là, je commence à avoir ras-le-bol, si d'ici mercredi, il y a rien, ça continue, je vous préviens, je dis, il y aura pas de débat. Donc, tenez-en sur vos gardes. Ouais. Et arrêtez de nous harceler sur les deux portables, s'il vous plaît, ça sera aussi bien pour vous. Voilà. Parce que les noms, je les ai, et ça commence à m'énerver. Comme le Jim, qui, soi-disant, qui vient la semaine prochaine avec 150 personnes chez moi faire la Java, tu rêves. Qui sait aussi qu'on a d'autres, on en a plusieurs, maître, je sais plus qui là, Badoura, là, ou je sais pas quoi, Anel, et puis, toute la bande, ça commence à bien faire sur les deux portables, hein. Voilà, donc. Nos portables sont pas faits pour vous, hein. Non, mais c'est clair, va falloir que ça cesse, les enfants, sinon le jour où ça va vous tomber sur la gueule, Japon Rouge, par exemple, où nous avons ton numéro de téléphone, etc., etc., tu vas voir que ça va jongler, quoi. Mais en plus, on a la cassette comme quoi que Chaperon Rouge t'a été pris, hein. Donc maintenant, tu t'en tiens sur tes gardes. C'est bon. À toi maintenant. Non, mais donc voilà, pour préciser. Alors, ça. Et c'était pour dire que Gérard, ce soir, quand même, était bien remonté et n'était pas venu seul, puisque ce soir, il est venu accompagné de sa charmante demoiselle. Future Madame Suraine. Madame Suraine. Sandy de Suraine, ah bah oui, c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein. Ouais, mais faut quand même pas trop balancer son nom, parce que je voudrais pas qu'elle aille des problèmes non plus. On en a déjà assez comme ça avec les conneries et puis tout. Donc, alors, je vous préviens, cessez de nous appeler sur les portables. Parce que ça commence à bien faire et on en a marre. Ah bon? Donc en de bon entendeur, on continue. Donc, je vous préviens, il vous reste plus qu'une semaine pour vous tenir sur vos... Ça vous garde et d'arrêter mes... Bah, Olivier, il y a la pro à faire ce soir. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est cool. Non, toi, tu dégages, je veux pas de toi à la pro ce soir. S'il te plaît. Tu dégages. Alors, tu vas là. Alors, ce soir, on a décidé de tout changer pour les débats de Gira, puisque ça sera Olivier et Fildar au standard et Manu à l'arrière. À la pro. Fildar va encore me toucher. C'est Manu à la pro ce soir. Tu l'aimes bien, Fildar. Ouais, bon, alors Gérard, ce soir, les deux débats, qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc, c'est l'astrologie et la musique. L'astrologie et la musique. On peut savoir un petit peu de quoi on va, non? Non, bah, ils verront au fil des débats. Au fil des questions. Je préviens tout de suite, quand même, sur la dernière question, sur l'astrologie. S'il y a des gens qui veulent savoir à peu près, qui me donnent leur signe, je pourrais leur dire à peu près sur un truc que tu m'avais demandé de ramener tu voulais. Qu'est-ce qu'il va avoir Donc la personne qui me donnera son signe, je dirai à peu près ce qu'il y a sur mon bouquin, c'est tout. D'accord, ok. Voilà, point final à la ligne. Bon, Gérard est bien remonté ce soir, il est en pleine forme, si vous voulez l'appeler 0800 70 5000. On va faire un petit quart d'heure de libre antenne avec GG, hein, tu veux bien GG? Surtout Manu. Oh, Manu. Oh. Si tu sélectionnes là, si tu commences à sélectionner, tu préviens d'entrer, je veux pas entendre parler de Sandy, pas de locaux, pas de Pont d'Alma et pas de coton-tige, sinon les gens vont virer d'entrée. OK, ce soir, c'est clair et net. Hein? Mais le premier qui commence, je suis pas au standard ce soir. Non, non, mais même pour Fildar et puis celui qui sera derrière, le premier qui parle de ça, de toute manière, c'est d'entrée. Hein. Même pour les nanas. Voilà, ok, très bien. Vous nous appelez dès maintenant au standard de Fun Radio 0800 70 5000 ou 0803 08 5000. On met un petit disque et on se retrouve juste après pour la libre antenne de Fun Radio avec Gérard de Suresnes.